إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on commence aujourd'hui le cours numéro 13 dans l'explication de يعني كتاب الكبائر باب ذكر ضعف القلب باب ذكر ضعف القلب c'est-à-dire la mention de la faiblesse du cœur. Et c'est dans l'explication du livre Kitab al-Kaba'ir de Cheikh Mohamed ibn Abdul Wahhab, expliqué par le Cheikh Salih al-Fawzan. Et donc, le Cheikh Mohamed ibn Abdul Wahhab, il commence le chapitre par un verset. Il dit « Wa qawlullahi ta'ala wa rabatna ala qulubihim » l'ayah. Donc, ce verset, c'est dans Surat al-Kahf, le verset 14, qui signifie « Et nous avons fortifié leur cœur ». Et nous avons fortifié leur cœur. Le Cheikh dit, min afat, Cheikh Al-Fawzan, il explique, il dit, min afat il qalb, aydan, da'fuhu. Hinama yakunu al qalbu da'ifan, fa innahu la yasbiru ala shada'id. La yasbiru ala shada'id, wa la yuhsinu dhan billahi azza wa jal. Wa idha asabahu shay'un ضعف ولم يتحمل ولم يصبر فإن من يضعف عن مقابلة الشدائد ولا يتحمل مواجهاتها فتخور قواه يعني كما يقولون تنهار أعصابه فهو ضعيف القلب بخلاف الذي يكون قلبه قويا واثقا بالله عز وجل فهذا لا تؤثر فيه الأحداث مهما اشتدت ولا تنهار أعصابه بل يبقى شامخا قويا يواجه الشدائد والمصاعب ويخرج منها مرفوع الرأس بإذن الله أما الذي ينهار عند أول شدة فهو ضعيف القلب وضعف القلب آفة تؤدي إلى ضعف الإيمان. Donc le Cheikh il commence ce chapitre en expliquant que parmi les problèmes et les malheurs qui ont rapport avec le cœur, il y a la faiblesse du cœur. Et ça c'est yani lorsque la personne a un cœur faible, il n'est pas capable dans ce cas-là d'endurer les difficultés et d'affronter les difficultés. Et il n'a pas aussi une bonne pensée à propos d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et donc, lorsque quelque chose lui arrive, eh bien, il est frappé par un malheur, eh bien, il devient faible. Il ne peut pas supporter et endurer. Donc, celui qui est faible par rapport à l'affrontement des difficultés et qui n'est pas capable de leur faire face, eh bien, c'est comme s'il perd sa force. C'est comme si il perd sa force et ça veut dire que son cœur est faible. Contrairement à la personne qui a un cœur fort et qui est ferme et qui a confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, peu importe les événements, même si les événements sont très difficiles, eh bien, ça n'aura pas d'effet sur lui. Et il ne va pas s'affaiblir et il va rester solide et ferme et il va affronter les difficultés qui se trouvent devant lui. Et il va sortir de ces épreuves la tête haute par la permission d'Allah. Tandis que celui qui s'affaisse à la première difficulté, alors ça, cette personne, elle a un cœur faible, et le cœur faible, ça amène à avoir une foi faible également. Il dit, وَقَدْ وَصَفَ اللَّهُ تَعَالَى أَمْثَالَ هَؤُلَاءَ فَقَالَ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَهُ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ هَذِهِ نَتِيجَةُ ضَعْفِ الْقَلْبِ هَذِهِ نَتِيجَةُ ضَعْفِ الْقَلْبِ. Donc le cheikh il mentionne que Allah subhanahu wa ta'ala a décrit les gens qui sont de cette façon dans un verset dans le Coran, dans sourate Al-Hajj, le verset 11. Il dit, et il y a parmi les gens qui adorent Allah à la limite, s'il leur arrive un bien, ils s'en tranquillisent, et s'il leur arrive une épreuve, ils détournent leur visage, perdant ainsi le bien d'ici-bas et de l'au-delà. Telle est la perte évidente. Donc ça c'est pour mentionner donc l'exemple de la personne qui n'est pas ferme lors des épreuves et des difficultés. Il dit, ça c'est le résultat de la faiblesse du cœur. Il dit, وقال ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. Donc ça c'est un verset également dans sourate Al-Ankabut, c'est le verset 10 dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne certaines personnes, parmi les gens, il y en a qui disent, nous croyons en Allah, puis si on les fait souffrir pour la cause d'Allah, c'est-à-dire ils ont une épreuve quelconque et ils doivent souffrir à cause de leur foi, eh bien ils prennent ça ils prennent cette souffrance et l'épreuve qu'ils ont de la part des hommes comme si c'était équivalent au châtiment d'Allah. C'est-à-dire, ils abandonnent l'ordre d'Allah par crainte du châtiment des hommes. Comme si le châtiment des hommes était équivalent au châtiment d'Allah. Et il dit, فَهُوَ مِثْلُ الَّذِي يَسْتَجِيرُ مِنَ الرَّمْضَاءِ بِالنَّارِ. C'est comme celui qui, pour se protéger de la chaleur du soleil, se met dans le feu. Et donc, ça c'est clair que c'est pas une protection. فهو قد خرج من شدة إلى شدة أكبر منها. Donc il est sorti d'une difficulté vers une difficulté plus grande encore. فهو قد خرج من شدة إلى شدة أكبر منها وخرج من حرارة إلى حرارة أشد والعياذ بالله. ولو أنه صبر على الحرارة اليسيرة لنجا من الحرارة الكبيرة ولا خرج من الفتن قوي القلب قوي الإيمان أما ضعيف القلب فهو على خطر فكما أن القلب يقسو فهو كذلك يضعف وأما قوله تعالى وربطنا على قلوبهم فهو في سياق الحديث عن أصحاب الكهف وقصتهم مشهورة. Donc le cheikh il explique ensuite, il dit donc que c'est comme la personne qui cherche à se réfugier, il cherche à se protéger de la chaleur du soleil en allant vers le feu, et donc c'est comme s'il va de la difficulté, d'une difficulté vers une difficulté plus grande encore, et il sort d'une chaleur vers une chaleur plus dure encore, wal'iyadhu billah. Mais s'il avait été patient et endurant, et qu'il avait à endurer la petite chaleur, il aurait été sauvé de la chaleur plus grande et il serait sorti de la difficulté et des épreuves avec une foi et un cœur plus fort. Mais la personne qui a un cœur faible, elle est en danger, puisque comme le cœur peut s'endurcir, eh bien il peut également s'affaiblir. Et il dit, en ce qui concerne la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il dit « وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ » c'est-à-dire « nous avons fortifié leur cœur », eh bien, ça c'est dans le contexte de la parole au sujet des compagnons de la caverne, dans Surat al-Kahf, et leur histoire, elle est célèbre. « حَيْثُ رَبَطَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ يَعْنِي قَوَّاهَا ولهذا أعلنوا براءتهم من الكفار وانعزلوا عنهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا أي لن يقع منا هذا أبدا لأن لو فعلنا ذلك كان هذا باطلا فإن قاموا فإن قومهم كانوا يعبدون الأصنام ولكن الله ثبت هؤلاء وقوى قلوبهم فلو كانت قلوبهم ضعيفة لانهارت ولهذا قال تعالى في حقهم وربطنا على قلوبهم لأجل ذلك كانت قلوبهم قوية لأن الله ربط عليها. Donc le cheikh il explique ensuite, il dit que Allah subhanahu wa ta'ala a fortifié leur cœur, c'est-à-dire qu'il a renforcé leur cœur. Et à cause de ça, donc, ils ont été capables de se désavouer des non-croyants et de se séparer d'eux. Hein? Assalamu alaikum. Puisqu'ils se sont levés et ils ont dit notre Seigneur, le Seigneur des cieux et de la terre. Donc, il cite ici le verset 13 dans Surat al-Kahf. Naam, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala mentionne Et nous allons te raconter leur récit. Ce sont des jeunes, ce sont des jeunes gens qui croyaient en leur Seigneur. Et nous leur avons accordé les plus grands moyens de se diriger dans la bonne voie. Nous avons fortifié leur cœur lorsqu'ils s'étaient levés pour dire notre Seigneur est le Seigneur des cieux et de la terre. Jamais nous n'invoquerons de divinité en dehors de lui. Sans quoi nous transgresserions dans nos paroles. Naam. Donc ça c'est pour dire que Allah les a raffermis sur le tawhid, sur l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc c'est pour dire qu'ils ont dit qu'ils ne vont jamais associer avec Allah subhanahu wa ta'ala et invoquer d'autres divinités que Allah subhanahu wa ta'ala. Et que s'ils l'avaient fait, eh bien certes ce qu'ils auraient fait aurait été quelque chose de totalement faux. Et leur peuple adorait les idoles. Mais Allah subhanahu wa ta'ala les a raffermis et ceux-là, leurs cœurs ont été forts. Si leur cœur aurait été faible, eh bien ils se seraient laissés prendre dans l'égarement, ils seraient tombés. Et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala dit à leur sujet, et nous avons fortifié leur cœur. Et c'est pour ça que leurs cœurs ont été forts, parce que Allah subhanahu wa ta'ala les a raffermis et solidifiés. Et il dit فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَنْ نَدْعُوَ مِنْ دُونِهِ إِلَهَا لَقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطَا هَؤُلَاءِ قَوْمُنَا اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَا لَوْلَا يَأْتُونَ عَلَيْهِمْ بِسُلْطَانٍ بَيِّنٍ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا. Donc la suite des versets, le cheikh il mentionne donc que la parole des jeunes, quand ils ont dit notre Seigneur est le Seigneur des cieux et de la terre, jamais nous n'invoquerons de divinité en dehors de lui, sans quoi nous transgresserions dans nos paroles. Voilà que nos concitoyens ont adopté en dehors d'Allah, en dehors de lui, des divinités. Ils adorent autre que lui. Que n'apporte-t-il sur elle une preuve évidente? Pourquoi ils n'amènent pas une preuve évidente à leur sujet? Quel pire injuste donc que celui qui invente un mensonge contre Allah? Et naam. Donc c'est pour dire, le cheikh il dit ثم اعتزلوهم وما يعبدون ورحلوا للغار وآووا إليه وجرى عليهم ما جرى من النوم الذي ذكره الله عز وجل ثم بعثهم الله بعد ذلك وإذا بالناس قد تغيروا وجاء جيل آخر أسلم وآمن والأولون كانوا كفارا عندما ناموا كان الناس كفارا ولما استيقظوا ظنوا أنهم ناموا يوما أو بعض يوم وأن الجيل الكافر الذي يعني يعلمونه باق ولذلك أرسلوا واحدا منهم ليشتري لهم طعاما على تخوفهم ولم يعلموا أن الأمور قد تغيرت والوضع كذلك قد تغير وأن الكفار قد ذهبوا وأتى جيل آخر كان على الإسلام ولكن الشاهد من قوله وربطنا على قلوبهم أن الله عز وجل قوى قلوبهم فواجهوا هذه الأمة الكافرة وواجهوها بالثبات فكانت النتيجة أن أجر الله لهم هذه الكرامة حيث ضرب على آذانهم في الكهف 309 من السنوات أو ما شاء الله ثم أحياهم فكانت كرامة لهم لأنهم من أوليائه. Donc le Cheikh il dit, puis Allah subhanahu wa ta'ala, puis par la suite ils se sont écartés donc de leur peuple et de ce que leur peuple adorait en dehors d'Allah et se sont en allés vers la caverne et ils ont trouvé refuge dans cette caverne et il leur est arrivé ce qui leur est arrivé de ce sommeil prolongé que Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné dans le Coran. Puis Allah subhanahu wa ta'ala les a réveillés par la suite, hein, les a réveillés et les gens avaient changé et à l'époque où ils se sont réveillés donc il y avait une autre génération qui était là, qui avait accepté la foi et qui s'était soumis et qui était devenu musulman. Tandis que les premiers parmi leur peuple étaient des koufars. Lorsqu'ils se sont endormis au début, les gens étaient des non-croyants. Puis lorsqu'ils se sont réveillés, ils ont cru qu'ils avaient dormi un seul jour ou une partie d'une journée. Hein, et que les gens qui étaient là, c'était encore la même génération qu'ils connaissaient. Alors ils ont envoyé quelqu'un pour aller acheter de la nourriture pour eux, hein, et ils avaient peur. Hein, ils ne savaient pas que les choses avaient changé, et donc ils ont constaté par la suite que les choses avaient changé, et que les koufars étaient partis, et que c'est une autre génération qui était apparue, qui eux, étaient sur l'islam. Mais le point qu'on veut tirer de qu'est-ce qu'on a mentionné dans ce chapitre, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala il dit wa rabatna ala qulubihim, c'est-à-dire on a fortifié leur cœur, et que Allah azza wa jalla il a renforcé donc leur cœur et ils ont été capables de faire face à cette nation qui était mécréante et ils sont restés fermes, ils l'ont affronté avec fermeté et le résultat. Et qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné comme miracle pour ces jeunes, du fait qu'il a fermé leurs oreilles et qu'ils sont restés pendant 300 ans et 309 ans ou ce que Allah a voulu, en train de dormir. Puis Allah subhanahu wa ta'ala les a ramenés à la vie et ça c'était comme un miracle pour eux, parce qu'ils étaient comme un miracle, ou plutôt un prodige, pour les récompenser, puisqu'ils avaient été fermes, et donc il leur a montré un signe, en leur permettant de vivre cette expérience-là, parce qu'ils étaient des serviteurs approchés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, il mentionne des versets de Sourate Al-Ankabut, qui sont les versets qui sont au début de Sourate Al-Ankabut. Et donc, il cite ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. نعم. Donc ces versets qui signifient ألف لام ميم. Est-ce que les gens pensent qu'on les laissera dire nous croyons sans les éprouver? Certes, nous avons éprouvé ceux qui ont vécu avant eux. Ainsi, Allah connaît ceux qui disent la vérité et ceux qui mentent. Hein, donc, yani, ça c'est les versets que le cheikh a cités. Ensuite, le cheikh Al-Fawzan, il les explique et il mentionne hein, leur signification. Donc il dit, rahimahullah, il dit, هذه الآيات تبين لنا أن سنة الله جل وعلا لا تتغير وذلك أن الله لا يترك المؤمنون أن الله لا يترك المؤمنين على ما هم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب لأن الذين يظهرون الإسلام فيهم الصادق وفيهم المنافق فلو لم يمتحنوا لم يتميز المنافق من المؤمن الصادق فالله جل وعلا يريد أن يميز هذا من هذا فهو سبحانه يجري الشدائد والمحن يعني فيثبت أهل الإيمان ويتبين أهل النفاق وهذا ما جاء في قوله تعالى أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون أي لا يمتحنون ولقد فتنا الذين من قبلهم يعني ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين أي نعم أي فليعلمن الله الذين صدقوا في إيمانهم ممن هو كاذب والله تعالى يقول ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب أي حتى يتميز المؤمن من الكافر فلا يترككم مختلطين لا يعرف مخلصكم من منافقكم وأنتم لا تعرفون المؤمن الصادق من الكاذب لأنه ليس لكم سوى الظاهر هذا غيب وهذا غيب لا يعلمه إلا الله لأجل هذا فإن الله يجري الامتحان ليتبين المنافق من المؤمن. Donc le cheikh il explique, il dit que يعني ces versets qu'on a lus dans sourate Al-Ankabut, le verset 1 à 3, il dit que c'est pour nous expliquer que la règle d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle ne change pas. Et ça, c'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala, il ne va pas laisser les croyants sur ce dans quoi ils sont, hein, tant qu'il n'a pas distingué entre le mauvais et le bon. Parce que ceux qui montrent ou qui laissent paraître l'islam, il y a parmi eux ceux qui sont véridiques et il y a parmi eux l'hypocrite. Et si les hommes n'étaient pas éprouvés, eh bien, on ne pourrait pas distinguer entre le munafiq, l'hypocrite, et le croyant qui est sincère. Et donc, Allah Azza wa Jal, il veut distinguer entre celui-ci et celui-là. Et c'est-à-dire entre l'hypocrite et le croyant. Et c'est pour ça qu'il fait qu'il y ait des épreuves et des difficultés qui se produisent. Et il raffermit les gens de la foi et on arrive par la suite à distinguer et à clarifier qui sont les gens de l'hypocrisie. Et ça c'est ce qui est mentionné dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'il dit « Est-ce que les hommes pensent qu'on va les laisser dire « Nous croyons » et qu'ils ne seront pas éprouvés » c'est-à-dire qu'ils ne vont pas être testés hein? Et nous avons certes éprouvé ceux qui ont vécu avant eux hein, pour que Allah subhanahu wa ta'ala sache qui d'entre eux sont véridiques et sincères et pour qu'ils connaissent hein, ou pour qu'ils sachent qui sont les menteurs. C'est-à-dire pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala sache ceux qui sont sincères dans leur foi de ceux qui sont des menteurs. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans un autre verset, dans Surat Al-Imran, verset 179, il dit, et Allah ne va pas vous laisser dans l'état dans lequel vous êtes jusqu'à ce qu'il ait distingué le mauvais du bon. Et, donc ça c'est un autre verset aussi qui donne ce sens, et qui fait comprendre aussi que Allah subhanahu wa ta'ala veut faire la distinction. Et donc il dit, Allah n'est point qu'il laisse les croyants dans l'état où vous êtes jusqu'à ce qu'il distingue le mauvais du bon, et Allah n'est point tel qu'il vous dévoile l'inconnaissable. Donc c'est ça. Donc il faut comprendre que, comme le cheikh il le dit ici, que il fait ça dans le but de distinguer le croyant du mécréant, et pour pas qu'il vous laisse mélanger sans que vous soyez capable de connaître le sincère parmi vous de celui qui est hypocrite, et que vous ne puissiez pas connaître le croyant sincère de celui qui est menteur, parce que vous n'avez rien d'autre que ce qui est apparent, et ça c'est quelque chose donc qui est invisible et que seul Allah subhanahu wa ta'ala connaît. Et c'est pour cette raison que Allah subhanahu wa ta'ala il met des épreuves, il fait qu'il y ait des épreuves à ses serviteurs pour pouvoir distinguer entre l'hypocrite et le croyant. Il dit wa min al-amthilati allati tusaddiqu hadha al-waqi' ومن الأمثلة التي تصدق هذا الواقع ما وقع في غزوة الأحزاب حيث قال الله تعالى إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا أي باطلا من القول وهذا قول أهل النفاق لما لما جاءت الشدة قالوا ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا ظهر ما في قلوبهم من النفاق والعياذ بالله أما المؤمنون فقد قال الله تعالى في حقهم ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما فانظر ماذا فعلت الشدة معهم لم يضعفوا ولم يستكينوا لم يضعفوا أو يستكينوا إنما زادتهم هذه الشدة ثباتا وإيمانا وعلموا أنه الابتلاء والامتحان. نعم donc le cheikh il dit parmi les exemples qui confirment cette réalité, il y a qu'est-ce qui s'est passé durant la bataille de Al-Ahzab. Et la bataille de Al-Ahzab, c'est la bataille dans laquelle tous les groupes de mécréants se sont réunis ensemble contre les musulmans, les juifs, les mouchriquins, et ainsi de suite. Donc, ils étaient très très nombreux contre les musulmans, et les musulmans étaient très peu, et ils ont été assiégés pendant un bon bout de temps. Mais c'est pour dire que c'était une période où les hypocrites justement ont essayé de mettre des doutes dans le cœur des croyants, et comme ils avaient eux-mêmes des doutes. Donc le cheikh il dit que parmi les exemples donc de la réalité des épreuves qui touchent les croyants, le cheikh il explique que il mentionne le verset 12 dans Surat Al-Ahzab. Il dit, et quand les hypocrites et ceux qui ont la maladie, le doute au cœur, disent Allah et son messager ne nous ont promis que des tromperies. Donc ça c'est la parole des hypocrites. Ils disent que Allah et le messager n'ont promis que des tromperies. Allah al-Musta'an. Donc le cheikh il dit, ça c'est la parole des gens de l'hypocrisie lorsque la difficulté est venue. Hein? Et il y a des gens comme ça malheureusement, quand tout va bien, hein, et quand tout est hein, en paix, là ils sont contents et ils sont forts, hein, ils mentionnent le bien et ils disent des bonnes choses. Hein, ils sont contents d'être musulmans et ils mentionnent des bonnes choses. Mais quand il y a une difficulté ou une épreuve ou des choses compliquées qui se produisent pour les musulmans, là tout d'un coup tu les vois commencer à changer de parole, commencer à dire des choses qui ne sont pas correctes. Comme par exemple, ces hypocrites-là, lors de la bataille de Al-Ahzab, ils ont dit, hein, Allah et son messager nous ont promis que des tromperies. Mais comment des gens peuvent dire ça alors qu'ils sont croyants? A'ouzou billah. Donc ça c'est clair que c'est de l'hypocrisie, que ça vient pas de la bouche des croyants. Et par opposition à ces gens-là, hein, Allah subhanahu wa ta'ala avait fait paraître qu'est-ce que leur cœur cachait d'hypocrisie. Wal'iyazou billah. Tandis que les croyants, eux, hein, Allah subhanahu wa ta'ala a également mentionné leurs propos pour faire comprendre la différence entre les deux. Et il dit, et quand les croyants virent les Ahzab, hein, les groupes de Kuffar qui se sont rassemblés contre les musulmans, ils dirent, voilà ce qu'Allah et son messager nous avaient promis. Et Allah et son messager disaient la vérité. Et cela ne fit que croître leur foi et leur soumission. Hein? Donc c'est pour dire que le prophète, Allah subhanahu wa ta'ala et le prophète avaient mentionné que les koufars allaient se réunir contre les croyants et qu'ils allaient essayer de les exterminer. Et que ça c'est une chose que les croyants savaient. Et en même temps aussi, ils savaient que la victoire est pour les croyants. Donc, lorsque les croyants ont vu ces gens-là se réunir contre eux, eh bien ils ont augmenté en foi et en soumission. Donc tu vois la différence lorsque la difficulté se produit, lorsque l'épreuve arrive, hein, ils ne se sont pas affaiblis, ils n'ont pas perdu hein, l'espoir, au contraire, ça a augmenté leur foi et ça a augmenté leur fermeté, et ils ont su que c'était une épreuve et un test de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le cheikh il cite ensuite un autre verset qui est le verset 22 dans Suratul Ma'ida, et c'est à propos de du peuple de Moussa alayhi salam, Banu Israël. Il dit wa qawluhu ta'ala qalu ya Moussa inna fiha qawman jabbarin. Hein? Et donc ça c'est un exemple aussi de la faiblesse du cœur de ces gens-là. Donc qu'est-ce qu'ils ont dit à Moussa alayhi salam dans le verset 22 dans Surat al-Ma'idah? C'est un exemple de la faiblesse du cœur des gens qui ont une foi faible. Ils disent ô Moïse, parce que Allah subhanahu wa ta'ala avait ordonné à Moussa et à son peuple d'entrer dans la terre sainte que Allah leur avait prescrit d'entrer. Et Moïse, donc, Moussa alayhi salam, il voulait rentrer. Mais son peuple s'est objecté. Et ils dirent, ô Moussa, il y a là un peuple de géants. Jamais nous n'y entrerons jusqu'à ce qu'ils en sortent. S'ils en sortent, alors nous y rentrerons. Allah musta'an. Donc, le cheikh Al-Fawzan, il explique. Il dit, هذا من ضعف القلوب أي قولهم إن فيها قوما جبارين وكان ردهم ردهم هذا يعني أمره ردهم هذا لما أمرهم موسى عليه السلام بدخول الأرض المقدسة التي هي بالتحديد بيت المقدس وكان بيد الكفار العماليق وكانوا غلاظ الأجسام أقوياء وخرج موسى ببني إسرائيل غازيا لفتح بيت المقدس فما كان منهم إلا أن تخاذلوا وجبنوا عن لقاء هؤلاء القوم الجبارين وقالوا وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها كانت حجتهم أنه لا طاقة لهم في قتالهم ولا على إخراجهم لكن إن خرجوا بدون قتال دخلناها يعني وفي النهاية قالوا فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون لما ألح عليهم صرحوا بما في قلوبهم فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون انظر موقفهم هذا مقارنة مع موقف صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر فقد تواجه المسلمون والكفار وكان عدد الكفار ضعف عدد المسلمين 310 والكفار يروا يعني يربون على الألف يعني بأسلحتهم وقوتهم وجبروتهم فاستشار الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه فقال المقداد أبشر يا نبي الله والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون ولكن والذي بعثك بالحق لنقاتلن بين يديك وعن يمينك وعن شمالك ومن خلفك حتى يفتح الله عليك وشتان ما بين موقف بني إسرائيل لما قالوا لنبيهم فاذهب أنت وربك فقاتلا وذاك من ضعف القلوب وبين موقف الصحابة donc le cheikh explique il dit que ça c'est un exemple de la faiblesse du cœur et que les gens de Bani Israël quand ils ont dit il y a dedans un peuple de géants qui sont forts et qui sont puissants qui ont des corps qui sont forts physiquement et il dit donc que ça c'était la réponse de Banu Israël lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné il leur a ordonné d'y aller et que Moussa alayhi salam a dit à Banu Israël de rentrer dans la terre sainte et en particulier Baytul Maqdis donc à cette époque elle était entre les mains des koufars al-Amaliq et c'est un peuple donc qui était là-bas et ces gens-là étaient forts physiquement ils étaient très imposants et donc Moussa est sorti donc avec Bani Israël pour combattre ces gens-là et pour conquérir Beit al-Maqdis mais ils ont été lâches et ils n'ont pas été capables de les affronter ils ont eu peur de ce peuple qui était là-bas et donc ils ont dit on ne va pas y entrer tant que eux ils sortent c'est-à-dire que leur argument c'était qu'ils prétendaient ne pas avoir assez de force pour les affronter et qu'ils ne pouvaient pas non plus les faire sortir mais que si eux acceptaient de sortir sans combat dans ce cas-là ils allaient rentrer et à la fin qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون. Ils ont dit, comme c'est mentionné dans le verset 24 dans Sourate Al-Ma'ida, ce que Allah subhanahu wa ta'ala mentionne, qu'est-ce que Banu Israël ont répondu à Moussa alayhi salam? Ils ont dit vas-y toi et ton Seigneur combattre, nous on reste ici. Vas-y toi et ton Seigneur pour aller les combattre, nous on reste ici. C'est ça qu'ils ont répondu. Ils ont exposé qu'est-ce qui était dans leur cœur. Et donc ils ont dit, vas-y toi et ton Seigneur, allez combattre tous les deux, nous on reste ici. Et donc vous voyez leur position et comment ils ont agi par opposition, en comparaison avec la position des Sahaba, du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, le jour de Badr. Lorsqu'ils ont affronté les koufars de Quraysh, et les koufars étaient le double du nombre des musulmans, et yani, les musulmans étaient comme 300 et quelques, et tandis que les kuffars, eux, étaient 1000, yani, plus que 1000, et ils avaient des armes, ils avaient une puissance, ils avaient une force avec eux, tandis que les musulmans n'étaient pas préparés pour le combat. Mais malgré tout, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a demandé aux sahaba le conseil, qu'est-ce qu'il pensait, et Al-Miqdad a dit, hein, réjouis-toi au messager d'Allah, par Allah nous n'allons pas te dire comme les fils d'Israël ont dit à Moïse ou à Moussa alayhi salam, va toi et ton Seigneur allez combattre tous les deux, nous on reste ici, hein? Mais plutôt ils ont dit non, par celui qui t'a envoyé avec la vérité, nous allons combattre devant toi, à ta droite, à ta gauche et derrière toi, jusqu'à ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous donne, jusqu'à ce que Allah subhanahu wa ta'ala te donne la victoire. Et ça, c'est rapporté par Al-Bukhari et Ahmad. Et il dit que, donc on voit clairement la différence entre la position de Banu Israël quand ils ont dit à Moïse, ils ont dit à leur prophète, vas-y toi et ton Seigneur, allez tous les deux combattre, nous on reste ici. Et ça, c'est un exemple de la faiblesse du cœur, hein, et la position des sahaba. Après le cheikh, il dit, un verset qui est le verset 10 dans sourate Al-Ankabut qu'on a mentionné tout à l'heure. Qawlullahi wa qawlullahi ta'ala wa minan nasi man yaqulu amanna billahi fa idha uziya fillahi ja'ala fitnatan nasi ka'adhabillah. Et na'am. Donc le cheikh, il cite donc ce verset, et le cheikh Al-Fawzan, il explique, c'est un verset qui signifie, et parmi les hommes, hein, parmi les hommes, il y en a qui disent nous croyons en Allah, et lorsqu'ils sont, lorsqu'ils subissent une difficulté ou un problème ou un châtiment, une punition ou quelque chose dans le sentier d'Allah, eh bien ils mettent le châtiment des hommes équivalent ou égal au châtiment d'Allah, comme si, en voulant dire, ils abandonnent l'ordre d'Allah par peur du châtiment des hommes, comme si le châtiment des hommes et le châtiment d'Allah étaient équivalents, alors qu'on sait très bien que le châtiment d'Allah est plus grand que le châtiment des hommes. Et donc le cheikh, il explique ce verset là, il dit يعني ومن قوله تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله يعني فهو أمامه عذابان الأول عذابه إن ارتد عن دينه والثاني يعني عذاب الناس الذين يعذبونه أيهما أشد عذاب الناس أم عذاب الله لا شك أن عذاب الله أشد فكونه يصبر على دينه وينجو من عذاب الله ولو أصابه أذى الناس كان هذا من العزم أما العكس وهو أن يخرج من عذاب الناس إلى عذاب الله وذلك بأن يرتد عن دينه فهذا من العجز والضعف ولقد وصف سبحانه في وصف سبحانه في كتابه الكريم حال بعض ممن كان في إيمانه ضعف فقال ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين. Donc le cheikh, il explique que ici il y a deux châtiments devant toi. Le premier, c'est le châtiment de le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala si la personne apostasie de sa religion et quitte sa religion. Donc ça, c'est le châtiment d'Allah. Le deuxième, c'est le châtiment des hommes qui le torturent ou bien qui le châtient. Lequel des deux est plus dur en châtiment? Est-ce que c'est le châtiment des hommes ou le châtiment d'Allah? Et il n'y a pas de doute que le plus dur châtiment, c'est le châtiment d'Allah. Donc, le fait d'endurer, de patienter et de rester sur sa religion, hein, pour être sauvé du châtiment d'Allah, même si il va être yani, éprouvé et touché par la souffrance qu'il subira à cause du châtiment ou de la punition des hommes, eh bien ça c'est la position la plus ferme à adopter. Mais de faire le contraire, c'est-à-dire d'essayer de sortir du châtiment des hommes vers le châtiment d'Allah, hein, pour s'enfuir du châtiment des hommes, eh bien tu vas quitter la religion d'Allah pour t'enfuir du châtiment des hommes, et tu vas tomber donc par la suite dans le châtiment d'Allah à cause de ça. Eh bien ça c'est clair que ça c'est une preuve d'incapacité et de faiblesse, hein, et que Allah subhanahu wa ta'ala a décrit par la suite l'attitude de ceux parmi les gens qui avaient justement une foi faible, hein, et il cite dans les versets suivants, il dit: or s'il vient du secours de ton Seigneur, ils diront: certes, nous étions avec vous. Hein? Allah n'est-il pas le meilleur à savoir ce qu'il y a dans les poitrines de tout le monde? Et Allah connaît parfaitement les croyants et connaît parfaitement les hypocrites. Hein? Donc c'est pour dire que Allah subhanahu wa ta'ala, il met les hommes à l'épreuve. Et il dit: فَهَؤُلَاءِ عِنْدَ الرَّخَاءِ يَقُولُونَ كُنَّا مَعَكُمْ ونحن نقاتل إلى جانبكم وندافع عنكم ولكن إذا جاءت الشدة انخذلوا وتكلموا بالكلام القبيح بعد أن ارتدوا عن هؤلاء بعد أن ارتدوا عن الإيمان بالله وهذه صفة المنافقين في كل زمان ومكان ليس فيهم إلا ضعف القلوب بخلاف ما عند المؤمن عند المؤمنين من قوة قلب وعزيمة وإيمان بالله وتوكل عليه. Donc le cheikh il explique ensuite, il dit: ceux-là, quand tout est en aisance et tout, quand c'est une période d'aisance et de tranquillité, hein, et là ils disent: nous on est avec vous. Hein? On combat avec vous et on est à côté de vous et on vous défend. Mais lorsque vient une difficulté, eh bien ils commencent à dire des paroles laides et ils commencent à y revenir sur leur foi en Allah. Et ça c'est l'attitude et la description des hypocrites à toute époque et en tout lieu. Et ils n'ont pas donc une foi solide. Leur foi est faible, leur cœur est faible, contrairement aux croyants qui eux ont une force du cœur et une fermeté dans leur foi en Allah subhanahu wa ta'ala, et ils mettent donc leur confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Et le cheikh il termine donc ce chapitre en disant: ولهما عن ابن عمر رضي الله عنه مرفوعا نعم رضي الله عنه مرفوعا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه من هجر ما نهى الله عنه. Donc le cheikh il explique que ça c'est un hadith qui est rapporté par selon Ibn Omar, et il dit que c'est rapporté par selon Ibn Omar, par Al-Bukhari et Muslim, rapporté par Al-Bukhari et Muslim, sauf que dans Al-Bukhari et Muslim c'est pas Ibn Omar qui l'a rapporté, c'est Ibn Amr. Donc naam, il dit que le hadith c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, c'est que le musulman c'est celui dont les musulmans sont épargnés de sa main et de sa langue, ou de sa langue et de sa main. C'est-à-dire que les musulmans vont pas subir de mal venant de ce musulman-là par sa langue et par sa main. C'est lui qui est le vrai musulman. Et le muhajir, hein, l'émigré, c'est celui qui a émigré ce que Allah a interdit. celui qui a émigré de ce que Allah a interdit, c'est-à-dire il s'est séparé de ce que Allah a interdit. C'est la signification de l'émigré ou bien du muhajir. Le cheikh il explique, cheikh Al-Fawzan, il explique ce hadith. Il dit قوله صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده يعني كثرة الكلام في الناس وبالغيبة والنميمة والسباب والشتم كل ذلك يدخل في باب الكبائر والمنهي عنها وفي الحديث ذم كثرة الكلام وأن المسلم ينبغي له أن يمسك أو يمسك لسانه ولا يتكلم إلا بخير وفيه دليل على أن من كف لسانه ويده عن المسلمين أن ذلك من كمال الإسلام. نعم. Donc le cheikh il commence en expliquant la première partie du hadith et il dit que le musulman c'est celui dont les musulmans sont épargnés et sont exempts du mal qui peut venir de sa langue ou de ses mains. Et il dit comme par exemple les gens qui parlent dans le dos, qui font des qui colportent des propos, des rumeurs, qui insultent ou qui disent des mauvaises paroles. Donc ça, tout ça fait partie des grands péchés qui sont interdits. Et il dit dans le hadith ici, il y a aussi le fait de blâmer, le fait de parler beaucoup, et que le musulman, il doit retenir sa langue, et il ne doit parler que dans le bien, pour dire du bien. Et il y a également une preuve dans ce hadith que le musulman, il doit retenir sa langue et sa main des musulmans, et ne pas faire du tort aux musulmans avec sa langue ou par sa main, et que ça fait partie de la perfection de l'islam ou du fait de compléter son islam. Et il dit ensuite wa qawluhu al muhajir man hajara ma naha Allah anhu wal hajr fi al lugha yani at tark wa fa huwa anwa' wa minhu an yuhajir al muslim min bilad al kufr ila bilad al islam firaran bi dinihi wa hadha أعظم أنواع الهجرة وهجر المنكر بأن تترك المنكر والحرام وقال تعالى والرجز فهجر يعني والرجز الأصنام وهجرها تركها فقوله المهاجر من هجر ما نهى الله عنه أي من ترك ما نهى الله عنه عموما فهذا من كمال إسلامه. Donc le cheikh explique que quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit et que le muhajir, c'est-à-dire l'émigré, c'est celui qui a émigré ce que Allah lui a interdit dans le sens qu'il l'a abandonné et qu'il l'a délaissé parce que le terme hajr en arabe signifie l'abandon ou le délaissement. Et donc ici l'exemple de ça c'est al-hijra, quand le musulman il émigre, c'est-à-dire il laisse les pays de Kufr vers les pays de l'islam pour s'enfuir avec sa religion. Et il dit que ça c'est une des plus grandes formes de hijra. Et il y a aussi le fait de hajr al-munkar, c'est-à-dire de délaisser le mal et le péché, et de délaisser ce qui est munkar, ce qui est péché, ce qui est haram. Donc ça aussi ça fait partie de la signification du terme. Et il dit, il mentionne le verset 5 dans Surat al-Muddathir, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit وَالرُّجْزَ فَهْجُرْ وَالرُّجْزُ الْأَصْنَامِ وَهَجْرُهَا تَرْكُهَا. Il dit وَالرُّجْزَ c'est les idoles, et le fait de faire le hajr des idoles, c'est-à-dire d'abandonner les idoles. Et il explique ici que quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit donc que l'émigré c'est celui qui a émigré de ce que Allah lui a interdit, c'est-à-dire il a abandonné et il a délaissé ce que Allah lui a interdit de façon générale, et que ça c'est quelque chose qui vient parfaire son islam. C'est quelque chose qui vient parfaire son islam. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, inshallah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد